Lettre 29e. Monsieur Villard à Evelina, Berry Hill, 2 mai. Je m'intéresse bien sincèrement au nouveau chagrin que vous éprouvez, ma chère Evelina. Le projet fatal qu'on agite aujourd'hui répugne également à mon avis et à mon goût. Cependant, il n'y a pas moyen de l'empêcher. Si je suivais les mouvements de mon cœur, je vous rappellerais incessamment chez moi pour ne plus vous quitter. Mais l'opinion du monde et ses coutumes exigent des mesures différentes. En attendant, espérez pour le mieux, et soyez assuré que vous n'aurez point à souffrir des traitements indignes de vous. Si votre famille ne vous reçoit point comme il convient, et avec toute la distinction qui vous est due, vous n'y entrerez point. Vous viendrez vous remettre sous mon appui, vous retrouverez dans ma maison le repos, et vous continuerez à faire tout le bonheur de ma vie.